Même si l'été est à nos portes, il est important de penser à notre retraite et de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de créer votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et souriante, contactez Service financier Jacqueline Doucet au 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe sont très heureux de souligner le 30e anniversaire des promenades du boulevard, un moteur important pour notre économie. On va parler avec l'ancien joueur des Saguenay de Chicoutimi du Canadien de Montréal, David Desharnais, qui a connu une belle expérience cette année. On a vu des reportages en Russie dans la KHL avec l'équipe de Bob Hartley. Question de savoir un peu qu'il nous raconte son expérience en Russie. On lui parle. Salut David! David, si on parlait un peu de ton expérience en Russie, est-ce que ça a été plus facile que tu avais anticipé au départ ou c'est pas mal semblable? Ben, ça a été aussi dur que je pensais. Je pensais que ça allait être peut-être un petit peu plus dur, mais j'ai eu beaucoup de hauts et de bas. J'ai commencé dans une équipe, je me suis fait racheter, je suis arrivé dans un autre, donc ce petit bout-là a été quand même très, très difficile, mais somme toute, ça a été une super belle expérience. Puis, un petit peu plus dur que ce que je pensais, mais ça a été super. Est-ce que, quand tu as été racheté, j'imagine que tu as dû rester sans mot un peu, parce que tu es en Russie, tu n'es pas en Amérique du Nord, tu es loin de ton pays, il y a la barrière de la langue. Oui, ça parle en anglais, mais c'est pas pareil du tout. Là. Ça a pas dû être des jours assez faciles, assez difficiles. T'as dû te dire dans quoi je me suis embarqué. Exactement. J'ai pris cette décision-là justement pour pas avoir à faire ça ici, soit se faire échanger, soit se faire racheter, soit être d'un mineur ou pas être sûr de faire une nationale ou des choses comme ça. Je me suis dit là-bas, ben probablement que je vais être safe pour au moins un an. Il y a moins d'échanges, tout ça là-bas. Donc oui, j'étais. Je me demandais dans quoi je m'étais embarqué, puis c'est ça, comme tu dis, ça a été une grosse semaine difficile, mais comme j'ai dit, là, en arrivant à Holmes, avec Bob Hartley, les choses se sont replacées, puis à partir de là, ça a été une expérience super. OK. Holmes, c'est une équipe, c'est une ligue, c'est une équipe qui vous avez perdu en 4 matchs, la Coupe Gagarine, cependant. Est-ce que c'est quand même quelque. C'est une organisation qui on peut-tu comparer ça à des bonnes organisations de la Ligue nationale? Parce que moi, ce que j'ai su de la KHL, il y a des organisations qui sont excellentes, que c'est quasiment la Ligue nationale. Il y en a d'autres que ça laisse à désirer, puis il y en a d'autres que ça fait dur. C'est-tu à peu près ça que... Ben, ouais. J'en ai vu deux, puis les deux avaient bien de l'allure. Puis celle-là avec ma dernière, en apportant un coach de la Ligue nationale, ben il essaie de faire marcher ça comme une équipe de la Ligue nationale. Donc tout était j'ai rien à dire de l'organisation, de comment on était traité. Ça a été super. Je sais que c'est peut-être pas comme ça dans toutes les équipes, mais moi j'ai pas de mauvaise expérience de ce côté-là, donc je peux pas parler en mal de ça. J'ai une super belle expérience, puis les deux équipes m'ont bien traité malgré. OK. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile en Russie? La culture, la langue, loin de chez nous, toutes ces réponses? Non, vraiment la langue, je pense. Mon premier coach, où est-ce que je me suis fait racheter, il parlait juste en russe. Il n'y a personne qui parlait en anglais vraiment. Donc, ça a été quand même très difficile. Je veux partir, pas vraiment être loin, que je sois à Montréal, que je sois à Hamilton, Cincinnati, les places que j'ai faites, Edmonton, New York, quand t'es loin, quand t'es dans ta saison, t'es dans ta saison, tu vois pas vraiment personne. Donc, ça a pas été quelque chose de difficile, mais non, la langue a été quelque chose qui, pour les deux premiers mois, là, dans mon autre équipe, qui était quand même difficile, mais encore une fois, en arrivant avec Bob Hartley, ben québécois, l'assistant coach québécois, ça tout est en anglais, donc ça aide pas mal aussi. Ouais, exactement. Tout ça chez vous. Dis-moi, si on parlait un peu du calibre, est-ce que c'est vrai que la KHL, c'est à peu près comme la Ligue nationale, entre la Ligue nationale et la Ligue américaine? Est-ce que c'est Ouais, je pense que oui. Oui. Oui. Ouais. C'est la deuxième meilleure ligue au monde. Puis, il y a des super bons joueurs, des joueurs qui montent dans la Ligue nationale à chaque année. Non, c'est une très, très bonne ligue. Puis, c'est juste un peu plus vieux que la Ligue américaine, donc c'est pour ça que je pense que c'est un petit peu meilleur, mais ça se ressemble vraiment là, c'est certainement pas la Ligue nationale, mais peut-être une très très bonne équipe de la Ligue américaine, là, plein de très bonnes équipes. Donc OK. David, comment tu vois l'avenir de cette KHL-là? Est-ce que tu vois quand même que cette ligue-là peut prendre l'expansion? Parce que c'est quand même une ligue jeune, quand même, là. C'est une ligue qui a beaucoup d'argent. C'est un milliardaire qui est en arrière de tout ça. Là, on parlait même qu'il peut y avoir une concession à Dubaï à un moment donné. Donc là, c'est sky's the limit, dans le fond, là. Est-ce que tu vois que cette ligue-là pourrait être une belle ligue en Europe aussi? Qui continue à progresser? Qui pour, faut, Sais pas, je sais pas, j'ai aucune idée. Je sais juste que, comme tu as dit, il y a beaucoup qui peut se faire là-bas, puis il y a beaucoup de les propriétaires ont beaucoup, beaucoup d'argent, mais il n'y a personne qui fait de l'argent. Donc, Ouais. je pense que ça, pour la Russie, c'est bon. Ça l'aide des petites villes à avoir une équipe à qui aller voir, à qui se rattacher, mais de là à prendre l'expansion. En Chine, il y avait peut-être, quand je suis allé jouer, il y avait 1000 personnes peut-être, puis ça, c'était la meilleure foule de l'année. Donc, Ouf. il OK. C'est y quoi les avait distances? C'est 5-6 000 250 à peu personnes. près? 5-6 000 personnes à peu près là? Ouais, ça dépend des arénas, ça dépend des arénas, mais il y a des buildings que c'est plein à tous les matchs, il y a des buildings que non, mais sont pas si mal, mais je sais que les billets sont pas très très chers, là. Fait que OK. je peux pas te répondre, mais moi aussi j'ai entendu ça à Londres, tout de Paris, des Ouais. choses comme ça que ça pourrait expandre là, mais de là à ce que ça arrive, j'en ai aucune idée. OK. Andriy Markov a mentionné qu'il voulait revenir dans la Ligue nationale. Tu l'as vu jouer l'an passé. Est-ce que tu penses qu'il peut encore aider une équipe de Ligue nationale à la quarantaine? Ben, il est tellement bon, oui, mais Difficile. moi, de ce que j'ai vu, on a joué contre lui en série, c'était pas l'André Markov que je connaissais, là, donc je sais pas si c'était juste l'entraîneur ou le style de jeu que cette équipe-là avait, que ça fitait un petit peu moins avec lui, mais moi, OK. peut-être qu'il est encore capable, je doute pas de ça, mais de ce que j'ai vu dans KHL cette année, je te dirais que non, mais en même temps, j'ai aucune raison de douter de ce OK. gars-là. J'ai joué avec pendant plein de saisons. Dernière question, tu t'en vas en Suisse l'an prochain, c'est bien ça. Donc là, c'est une ligue comment tu entrevois ton prochain défi en Suisse? Juste avoir du fun, je suis rendu. Ouais. Je vais avec la famille, donc plus relax, Beau moins pays. sur la route, beau pays. Non, ça va être le fun. Une belle expérience de hockey aussi. Je suis allé là avec René Matt la saison du Lockout 2012 Ouais. dans la Ligue nationale. C'est juste un petit retour à une place que j'avais appréciée. Puis essayer d'avoir deux belles années là-bas. Puis ils ont manqué des séries l'année passée, donc essayer d'apporter du leadership et peut-être un championnat si l'occasion se présente. Ben David, félicitations pour ton année dans la KHL et au plaisir de se reparler l'an prochain pour que tu nous racontes ton expérience en Suisse. Parfait, Voilà, merci beaucoup. David Desharnais, l'ancien joueur des Merci. Saguenay jusqu'à